Troisième édition du triathlon de Saint-Félicien et c'est une troisième édition qui promet certainement. On en parle avec le responsable Jean-Michel Tremblay. Bon après-midi, Jean-Michel. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Merci de me Jean-Michel, recevoir. troisième édition cette année. Est-ce qu'on peut s'attendre encore à des améliorations cette année? En fait, le parcours est le même, mais le triathlon est de mieux en mieux rodé. Le parcours est de plus en plus de qualité. La ville a fait des rénovations sur la route, donc on a un parcours asphalté parfait. C'est le même triathlon, mais on avait un très haut standard de qualité depuis notre première édition, fait que c'est encore la même chose cette année. Mais on prend de plus en plus de participants, c'est de plus en plus connu. Cette année même, on a un invité de marque. Pierre Lavoie va être là, va faire le triathlon. Donc, pour ceux et celles qui voudraient le côtoyer ou même rouler à ses côtés, c'est samedi que ça se passe. Donc, ça a été plus facile de recruter un peu, là. Oui, on commence à avoir un nom, on en entend parler. Les gens se préparent un an à l'avance, s'entraînent. Fait que ça a toujours été un engouement, mais là, vraiment, on le sent là, que c'est les gens, là, c'est rendu connu, puis c'est les gens se préparent pour ça. Est-ce que est-ce qu'il va y avoir des gens, pas mal de gens locaux, ça vient pas mal de l'extérieur? Comment ça fonctionne en fait? Nous, en fait, on veut vraiment que ça soit un triathlon accessible à tout le monde. Fait qu'on met tout en branle pour ça. Il y a une distance d'initiation. Les gens, si jamais les gens sont moins un peu à l'aise dans l'eau, on peut leur donner des casques de bain vert. À ce moment-là, les kayakistes, les zodiacs, tout ça vont avoir un œil un peu plus souvent sur eux. On peut le faire en équipe aussi. Mais je dirais que la proportion à peu près, là, c'est à peu près 70% de gens de la région, 30% de gens d'extérieur. Ah, OK. Puis il y a toujours un circuit de ça aussi. Il y a des gens, je pense entre autres à Jean-François Lavoie, je pense qu'il en fait pas mal. Jean-François Lavoie de Boom Cessy, il en fait pas mal, je pense, des triathlons, hein. Oui, il y a des circuits. C'est sûr que nous, on a pas beaucoup de Québec. Il y a des certifications pour être dans le circuit officiel, pour avoir le classement officiel. Nous, on a décidé de ne pas être là-dedans justement parce qu'on voulait que ce soit accessible et que les gens puissent participer, puis c'est plus un accomplissement, plus un défi personnel. Mais on a des gros noms, on a des Canadiens qui viennent, des champions canadiens qui sont là, on a des gros rouleurs quand même, fait que c'est vraiment le fun à voir aussi pour les spectateurs. Est-ce que les bourses augmentent d'année en année? Parce que ce que gagnant, est-ce qu'il y a une bourse, je me dis que oui. Non, c'est vraiment participatif. Ah, il y a des médailles, chaque participant a une médaille de participation. Il va y avoir des cadeaux qui varient de chaque année. L'année passée, c'était un sac à dos. Cette année, on verra c'est quoi cette année. Mais c'est vraiment participatif. C'est vraiment là pour monsieur, madame, tout le monde. Puis les plus aguerris qui veulent faire le circuit aussi, mais on vise tout le monde. Fait qu'il n'y a pas de bourse. OK. Donc, ça commence quand les activités? Ça commence à quelle heure? C'est samedi, samedi matin. C'est samedi matin, 9h, que ça commence. Les OK. premiers départs sont donnés à 9h, les premiers départs à l'eau, samedi matin. Ce week-end, 31h. OK. Donc, c'est la Marina. L'épreuve à l'eau, c'est la Marina. L'épreuve vélo, c'est quoi? C'est au centre-ville ou c'est de... En fait, je te corrige, c'est pas la Marina, c'est la Maison de culture. Ah, OK. En face du Mike. OK. Fait que le site principal est vraiment la Maison de culture. Le vélo, lui, c'est vraiment dans le centre-ville. Ça part de la Maison de culture. Ça va passer devant la Caisse des Jardins. Ensuite de ça, ça sera jusqu'à la voie de contournement. Ça revient, c'est des boucles. Puis la course à pied, elle va tourner sur le pont de Saint-Félicien. OK. Donc, Jean-François, un gros merci. On va vous souhaiter la meilleure des chances. Ça fait plaisir. Merci. Là-bas. Jean-François, qui est le responsable du triathlon de Saint-Félicien.